Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la vision sans yeux. On a sans doute remarqué comment, depuis quelques années, le thème du chamanisme a rencontré un très grand écho dans notre culture, à travers ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le chamanisme urbain, mais tout autant parfois dans des tentatives de retrouver la vérité première, la vérité primitive de ce chamanisme. Cela dit, dans cette recherche de ce que beaucoup considèrent comme la religion première de l'humanité, on voit très bien comment on a abandonné le chamanisme sibérien pour se tourner vers un chamanisme qui était peut-être plus accessible pour nous autres Européens ou pour nous autres occidentaux en général, à savoir le chamanisme amérindien et plus particulièrement le chamanisme tel qu'il est pratiqué en Amérique du Sud et dans la région de l'Amazonie, dans cette région qui est à cheval à la fois sur le Brésil et sur le Pérou. Et à l'intérieur de ce chamanisme même, il y a une pratique qui a énormément focalisé l'attention de chacun, qui est l'absorption de cette substance qui s'appelle l'ayahuasca, une substance psychotrope, une substance qui donne des visions d'une certaine façon et qui permet de voir ce que, selon les termes philosophiques, on appellera le monde suprasensible ou, selon le vocabulaire traditionnel, ce qu'on appellera la surnature. Or, c'est un petit peu à cela que nous voudrions nous intéresser aujourd'hui, mais à partir d'un cas extrêmement particulier qui nous est rapporté, celui d'une jeune femme, Hélène, qui est aveugle de naissance et où se pose la question, du coup, qu'est-ce que acquérir la vision, qu'est-ce que voir lorsqu'on est aveugle. Et de ce point de vue-là, on voit bien comment nous sommes obligés de repenser ce qu'est le phénomène visionnaire et en le rapportant évidemment, sans aucun doute, à sa racine étymologique, le vieil indo-européen Wade, qui signifiait voir et connaissance en même temps, qui a donné l'aïdos, c'est-à-dire qui a donné l'idée dans la philosophie platonicienne, et où voir est beaucoup plus de ce côté-là, et à travers cette expérience, du côté sans aucun doute de la connaissance de ce monde au-delà de notre monde, de cet outre-monde, si l'on peut dire, et que voir peut vouloir dire autre chose que ce que nous entendons d'habitude par ce mot. Et pour nous accompagner dans cette exploration, nous avons avec nous Christelle Marie, enseignante, vidéaste, qui a réalisé le DVD accessible aujourd'hui, Hélène ou la traversée du miroir, qui rencontre précisément de ses expériences, et en même temps Édouard Collot, psychiatre, psychanalyste et président de l'Institut Sivadan. Ce qui m'a amenée en Amazonie péruvienne, d'abord des travaux de recherche universitaire en anthropologie, ethnologie, sur une plante amazonienne qui s'appelle l'ayahuasca. Ayahuasca en quechua, la liane des dieux. Donc je travaillais sur la relation entre certaines représentations visuelles et l'expérience chamanique, en particulier de l'ayahuasca, c'est-à-dire comment cette plante pouvait être à l'origine de certaines images matérialisées sous forme artistique. Apachotá, Mapachu, tabac. Disons que j'avais un attrait que je ne peux pas expliquer de façon forcément très rationnelle. Je dirais que j'ai été appelée, j'ai du mal à l'expliquer autrement puisque je ne connaissais absolument pas cette plante et lorsqu'on m'en a parlé pour la première fois au cours dans un cours justement, j'ai ressenti quelque chose qui est de l'ordre de l'appel, je ne peux pas le définir autrement et 3 semaines après j'étais partie pour une première exploration au Pérou. C'est prêt. Ce qui est assez difficile à comprendre avec l'arcolo, tout au moins pour un occidental, c'est que nous avons l'impression que la plante ou les plantes auxquelles on va faire appel dans le travail chamanique, c'est le chaman qui les choisit. Alors que finalement, il nous dit que c'est plutôt la plante qui choisit la personne. Et ça, évidemment, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Oui. Moi, je pense que quand on a l'expérience de ces psychodysleptiques, bon, déjà, il faut savoir que dans l'initiation chamanique, le chaman utilise des plantes, mais que très souvent, il les utilise plus après. Que c'est, au fond, une façon d'ouvrir un certain nombre de canaux, des canaux qui sont autres que les canaux sensoriels que nous connaissons. Je pense que le chaman a une capacité d'aller bien au-delà de notre vision, de notre toucher, et dans ces visions qui sont propres donc à ce qui peut se produire avec ces substances, eh bien, il y a un réel contact avec l'environnement immédiat. Bon, ce que le chaman appelle la mère de la plante ou l'esprit de la plante ou la plante mère. Donc, on voit bien que nous on a les teintures mères, donc on voit qu'il y a quand même avec l'homéopathie quelques ponts comme ça. Mais il y a vraiment un ressenti physique de la qualité de la plante. C'est ce qu'il nous dit effectivement, et que lui, il est juste finalement un lecteur d'un univers et avec des sens qu'on connaît pas. Et il va appliquer, comme ça a été fait pour le curare, hein, par exemple, il ne faut pas oublier qu'il y a 7 variétés de curare, et qu'il n'y en a que, je crois, une ou deux qui ne sont pas mortelles. Ils utilisent le curare, et nous l'utilisons grâce à eux, dans les anesthésies, le curare qui n'est pas mortel. Comment ils l'ont découvert, précisément, c'est toute cette question, et je pense qu'ils ont des canaux sensoriels qui ne sont pas les nôtres, enfin qui sont différents, qu'on possède certainement, mais qu'on a plus utilisés depuis certainement tellement longtemps, qui sont occultés, mais qu'on retrouve quand même chez certaines personnes dans des états de transe qu'on peut déclencher avec des techniques de respiration, d'hypnose, de yoga, de méditation, etc. Qui est du contact avec la forêt. Effectivement, je pense que j'avais une certaine appréhension. Mais en fait, je me suis sentie très vite très à l'aise dans la forêt, surtout parce que j'ai été très bien accueillie et guidée par ces guérisseurs. Et aussi parce que c'est un lieu où tous nos sens se réveillent. Donc ça a été vraiment le premier contact avec la forêt, ça a été un éveil sensoriel. Et ça a été aussi le début de ma réflexion. Mais vous parlez d'un guérisseur, Christine Marie, mais je pense quand même qu'un guérisseur ne se rencontre pas n'importe comment. Il ne vous est pas tombé du ciel. Ce guérisseur, donc Louis Culquiton, qui vit dans la région d'Iquitos, sur les bords du Nanay. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'une association qui travaille autour de la médecine traditionnelle amazonienne, qui était en contact avec ce guérisseur, donc une association française. Et j'ai eu l'occasion de me rendre avec eux à Capitari, qui est le nom de ce lieu. J'ai rencontré Louis à ce moment-là. J'ai rencontré plusieurs guérisseurs, mais j'ai eu un contact particulier avec lui, une confiance qui a fait que j'ai entrepris l'expérience avec lui en particulier. Alors, justement, vous dites que vous avez eu confiance en lui, il y avait plusieurs guérisseurs, et c'est la question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser, à savoir pourquoi cette confiance, pourquoi ce choix, comme si d'une certaine manière il y avait là aussi une élection. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'élection. Faut dire que c'est pas le premier guérisseur avec qui j'ai pu faire l'expérience de cette plante, l'ayahuasca. J'ai fait d'abord cette expérience dans le cadre d'un centre thérapeutique qui s'appelle Takiwasi, qui se dédie au traitement de patients toxicomanes et qui travaille avec des tradis praticiens de la forêt. Donc j'avais déjà une première expérience qui était dans un certain cadre. Après, Louis, lui, sortait un peu de ce cadre puisqu'il est en forêt. Mais ce qui m'a aidé aussi à faire ce choix, c'est peut-être la présence également d'Hélène, donc qui est cette amie aveugle de naissance avec qui je suis partie réaliser ce documentaire. Puisqu'en fait, au-delà de mes recherches personnelles, je cherchais aussi quelqu'un qui puisse accompagner Hélène dans son expérience. Et j'avais plusieurs guérisseurs en tête, mais finalement, c'est aussi Hélène qui l'a choisi, en fait, qui s'est sentie bien avec lui. Et donc, à partir de là, le choix a été fait. Je veux que tu reconnaisses la plante que tu es en train de prendre. Je veux que tu reconnaisses ta plante. Ce qui compte, c'est cette énergie du vivant, en définitive, ce qui se dégage des arbres, des plantes, de l'environnement animalier, je dirais, voire même de l'inerte, c'est-à-dire de l'air, tout simplement, de la qualité de l'air. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage et qui est une chaleur affective, qui est quelque chose qui vient envelopper la personne. C'est-à-dire que on sait par exemple que le contact avec l'animal est très propice à soigner certaines maladies. On recommande à des hypertendus par exemple d'avoir un animal comme un chien et de le caresser régulièrement, ce qui amène à diminuer sa tension. Et je pense que quand on renoue avec son environnement, aussi bien végétal qu'animal, eh bien, on rééquilibre quelque chose. Peut-être que je m'avance un peu, mais enfin que les Chinois appelleraient le Tao. Hein. Je pense qu'on retrouve un équilibre là avec une nature et je pense que le minéral n'est pas suffisant. Une plante est un être vivant d'une certaine façon qui est capable d'envoyer des signaux à ses voisins, on le sait, en cas d'attaque, de maladie, etc. Et je pense que quand on est dans une forêt, quelle qu'elle soit, eh bien, je dirais même un bonsaï dans son appartement, eh bien, on doit partager quelque chose avec lui et c'est ça qui restaure du sens à la vie finalement. Si vous voulez bien, Christelle Marie, on va quand même commencer par votre expérience à vous. Et je veux dire que prendre de l'ayahuasca, ce n'est quand même pas quelque chose qui ne compte pas. C'est une véritable expérience. Et c'est la question qu'on se pose, comment l'apprenez-vous? Parce qu'en principe, c'est pris quand même dans tout un contexte culturel qui est extrêmement ritualisé, extrêmement symbolisé d'une certaine manière. Tout à fait. Donc, effectivement, ce rituel, ce contexte très précis, pour ma part, a toujours été respecté. Donc, il s'agit d'un rituel qui est nocturne. C'est une plante qui est faite pour voir, entre guillemets, mais On commence d'abord par se mettre dans le noir. Il y a toute une préparation qui précède la prise de la plante, qui est aussi utilisée, enfin, qui est aussi appelée par les guérisseurs traditionnellement la purge. Donc elle est aussi là pour nettoyer le corps et l'esprit. Donc il y a aussi des plantes qui se prennent avant, donc ce que j'ai fait. Et donc le contexte, c'est aussi qu'il y a un chaman, un guérisseur qui va nous guider dans cette expérience. Si je vous pose la question, c'est parce qu'elle se pose, parce qu'on sait très bien à quel point l'ayahuasca a connu, je dirais, une fortune en Occident, même si cette fortune est très fantasmatique. Et on a l'impression qu'en réalité, l'usage ne peut avoir de sens que dans ce cadre rituel, au contraire. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que l'usage non ritualisé qui existe, qui est en train de se répandre déjà depuis plusieurs années en Occident et même là-bas, puisqu'on assiste à un développement d'une sorte de tourisme chamanique, fait vraiment des ravages, puisque l'usage non ritualisé de cette plante, qui est quand même un puissant psychotrope, peut faire autant elle peut être un remède pour guérir, autant elle peut être un poison qui détruit. Et justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne retrouve pas certaines des intuitions les plus anciennes de ce qu'il était convenu d'appeler la médecine sacrée ? À savoir que c'est la même chose qui peut être un médicament, c'est la même chose qui peut être un facteur de mort, et que tout dépend du rapport qui est entretenu. Oui, et ce rapport, en fait, il est entretenu par le patient ou la personne qui fait l'expérience, mais il est aussi régulé par le chaman. Et puisque le chaman est un intermédiaire entre la personne, l'esprit de la personne, la plante, l'esprit de la plante. Et donc il y a une régulation qui s'effectue, notamment par l'utilisation de sons, de chants, les icaros, qui sont des chants qui vont guider l'esprit dans ce voyage. Et donc il y a certains icaros qui vont permettre d'entrer dans d'autres niveaux de réalité, je ne sais pas trop comment dire autrement, de les traverser, et d'autres chants qui permettent de revenir à ce qu'on va peut-être appeler notre réalité, je ne sais pas. Pour moi, il y a eu une première expérience qui a été de fusion, je ne sais pas comment dire, avec les éléments en particulier naturels, avec la végétation, la forêt, où j'ai vraiment, comme si j'avais été accueillie par ces esprits des plantes, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et par la suite, j'ai pu faire d'autres types d'expériences. Comme je disais, l'ayahuasca peut confronter à des choses assez difficiles. Elle nous met face à nos limites physiques et psychiques. Donc, Pour moi, il y a eu certains moments assez difficiles, mais qui m'ont quand même donné envie d'aller plus loin et de questionner ce qu'est voir, ce que signifie voir. Puisque comme je faisais aussi des études de cinéma, ça a beaucoup remis en question ma relation à l'image, cette expérience. Puisque quand je suis rentrée en France, après avoir fait ces expériences, j'avais beaucoup de mal à accorder le crédit que j'accordais à l'image avant. En tout cas, elle n'avait plus pour moi le même statut. Et du coup, la réalité n'avait plus le même statut. En tout cas, il y avait une petite faille dans le décor. C'est une plante qu'on dit visionnaire. Alors, d'autres parlent d'hallucinogène. Donc, je me suis un petit peu questionnée justement aussi sur cette différence entre vision et hallucination, puisque hallucination, on sous-entend que il n'y a pas d'objet, qu'il n'y a pas de réalité, même si elle est autre. Tandis que vision, et c'est le terme qu'utilisent les guérisseurs, recouvre une certaine réalité, en tout cas une forme de connaissance. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu de nombreuses visions. Je crois que ça dépend aussi des personnes. Il y en a une que je peux décrire parce que je pense qu'elle est parlante. J'ai eu la vision d'un tableau que je connaissais, qui représentait une nature morte, tout ce qu'il y a de plus classique, des fruits sur une table avec un bol. Et ce bol était légèrement ébréché. Et le tableau représentait, donc dans ce tableau, il y avait aussi l'image de ce qui était sur la table. Il y avait un reflet. Sauf que dans ce reflet, la petite brèche qui était sur le bol avait été oubliée. Et j'ai revu cette image dans une vision d'ayahuasca. Et en fait, ça a été le point de départ d'un questionnement sans fond sur ce que c'est que l'image, la réalité, l'image de la réalité. Oui, mais justement, vous dites un questionnement sans fond, mais pourquoi ce questionnement sans fond ? Qu'y avait-il de spécifique ou de particulier dans cette vision par rapport au tableau réel qui, tout à coup, vous plongez dans cet abîme de perplexité ? Ce qu'il y avait de spécifique, c'est que il y avait d'un côté l'image et le reflet de l'image, et les deux ne coïncidaient pas. Donc ça me renvoyait à justement sur l'idée qu'il y a une réalité, qu'il y a peut-être en tout cas plusieurs couches de réalité. Est-ce que d'une certaine manière, Édouard Collot, ce que vous nous dites, qui rejoint ce que disent les chamans, puisqu'ils parlent de l'esprit des plantes, ils parlent de l'esprit des arbres, ils parlent de l'esprit des animaux, des oiseaux autour de nous, est-ce que ça ne revient quand même pas d'une manière ou d'une autre, je dirais, à dire dans un autre langage, dans un langage peut-être plus adapté à notre culture, mais ce que disaient les anciens, à savoir que chaque chose a une âme? Oui, je pense que la nature en elle-même est une conscience. Il y a une forme de conscience universelle qu'on peut appeler âme si on le souhaite, si on veut. Cette conscience, elle est, c'est la conscience du vivant, je dirais, qui est propre aux premières cellules, je dirais, qui sont apparues sur Terre, avec dont on sait tous les questionnements autour de l'apparition de ces cellules. Donc je pense que cette conscience, elle est immanente à tout système vivant, et on la partage avec notre environnement. Et si on se coupe de l'environnement, je pense qu'on perd du sens. Toé, je te demande la permission de prendre tes feuilles pour notre bain de plantes avant la prise d'ayahuasca. Ante la toma de ayahuasca. Cuida de nos. De nosotros. Prends soin de nous. Aide-nous. Protège-nous. Merci, petite plante. Alors, se pose évidemment une question, Christelle Marie, à savoir, vous êtes en compagnie de votre ami, qui est aveugle de naissance, si j'ai bien compris, tout au moins. Oui. Et donc, se dire un phénomène visionnaire, qu'est-ce que cela veut dire pour quelqu'un qui, en principe, n'a pas la vision, au moins la vision des yeux de chair? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Donc, c'était une sorte de... J'ai envie de dire presque de pari, c'est-à-dire qu'on ni moi, ni elle, Hélène, ni Louis, le guérisseur, ne pouvions savoir ce qui allait ressortir de cette expérience. Donc sachant qu'Hélène est aveugle de naissance, a eu pendant une petite courte période de sa vie à la suite d'une opération, elle a eu quand même quelques sensations de ce que c'était que la lumière et l'obscurité. Puis finalement, est revenue. L'opération n'a pas marché. Il faut dire que c'était un questionnement qui semblait complètement absurde à Hélène, pour Hélène. Puisque de toute manière, elle n'avait jamais vu et ne verrait jamais. Que ce soit avec des yeux de chair ou avec l'esprit. Donc, ce qu'il en est ressorti, c'est l'idée qu'on peut accéder à une forme de vision, de représentation, une forme d'image mentale, à travers l'utilisation des autres sens. Et c'est ce qui a suscité la prise de l'ayahuasca chez Hélène. Je dirais un approfondissement de l'utilisation des autres sens qui l'a amenée à avoir une capacité de représentation qu'elle n'avait pas avant. Donc la conclusion un peu de ça, c'était que la vision se construit à travers aussi à travers les autres sens. Et la relation à la forêt a été très importante, la présence de la forêt a été très importante dans ce cheminement, puisqu'elle a amené à une expérience sensorielle très forte. L'olfaction était beaucoup sollicitée. Le toucher, qui était déjà très utilisé, était encore développé. Elle a touché des dizaines et des dizaines de plantes que Louis lui montrait. Il y a eu aussi des périodes d'isolement en forêt, donc, où elle se retrouvait seule en compagnie des plantes. Donc ça lui a permis d'aller... peut-être plus loin dans cette démarche-là. Mais est-ce que d'une certaine manière, ce que vous faites ressortir, Christelle Marie, à travers cette expérience, ce n'est pas que... Bon, on sait très bien que l'Occident, je dirais, a lié la connaissance avec la vision de l'œil, puisque on sait que dans nos langues, c'est le même radical qui a donné l'idée en grec, ou l'eidos, ou qui a donné la science en allemand, Wissen, les Wissenschaft, et de dire que finalement, nous avons perdu peut-être le contact avec nos autres sens, et qu'il peut y avoir des modes de connaissance qui ne relèvent pas de l'œil. Tout à fait. C'est vraiment... C'est vraiment pour moi ce qu'il en est ressorti. C'est-à-dire que beaucoup de d'occidentaux vont vers l'expérience chamanique, ayahuasca ou autre, parce qu'il y a une grande fascination pour la vision, le monde visionnaire. Or, finalement, elle nous met plutôt en contact avec, avec quelque chose qui est d'un autre ordre et qui est plutôt un retour au corps. Et il faut dire aussi qu'en dehors, c'est sûr qu'on peut avoir des visions en prenant de l'ayahuasca, mais en dehors de ce type de phénomène, il existe plein d'autres expériences d'ordre kinesthésique. Il y a aussi des choses qui se passent au niveau de l'audition ou même de l'olfaction. Et il y a aussi beaucoup de phénomènes de synesthésie, de correspondance entre les sens. Donc, qui peut donner d'ailleurs des sensations quand même assez bizarres qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et d'où aussi la déstabilisation qui peut s'en suivre. Mais en tout cas, même s'il y a cet aspect visionnaire, c'est effectivement plutôt un dépassement de l'idée que voir, c'est voir seulement avec les yeux, ou en tout cas que la construction de l'image peut-être se fait sans peut-être qu'on en ait conscience, avec bien autre chose que simplement les yeux. Je bois avec tous. Tu no sabes vida padre, yo tu no da fuerza y valor padre para luchar contra las adversidades, padre. Il y a une question qui se pose, je dirais presque immédiatement, Édouard Collot, c'est que les visions, puisque généralement pour les Occidentaux, ça se présente sous le phénomène des visions, mais enfin, disons, les sensations que l'on a ne correspondent pas aux visions ou aux sensations ordinaires. Et on sait très bien que chez nous, on a tendance à classer ça sous la rubrique hallucination. Est-ce que véritablement ça relève de l'hallucination telle que nous l'entendons, ou est-ce que le fait qu'on parle d'hallucination ne marque pas simplement, je dirais, un a priori métaphysique de notre part, à savoir qu'il n'existe d'objet que l'objet que l'on peut toucher en face de soi? Du point de vue de la neurologie, il y a un problème là sémantique. On va nommer hallucination toute vision qui va sortir du champ de l'objet habituel de l'observation. Hallucination... Bon, parfois très proche de certaines rêveries, on va dire, bon, de rêveries que certains vont nommer là également songes, avec une certaine différence là aussi entre songe et rêve, puisque le songe est censé appartenir au domaine de l'au-delà du miroir, un domaine qui nous est caché, mais qui peut se révéler être un domaine dans lequel on va pouvoir posséder certaines informations. Alors, hallucination ou vision. Il se trouve que lorsque l'on travaille avec les états de transe, comme on peut travailler avec l'hypnose par exemple, et là on va rejoindre effectivement donc ces états un peu de transe chamanique, on va avoir affaire à des visions qui possèdent une structure. Une structure qui va pouvoir être interprété, je dirais, exactement comme on le fait d'un rêve ou d'un songe, si on part sur l'hypothèse du songe. La grosse différence, je dirais, du travail du chaman, voire du psychothérapeute, c'est que ce travail est encadré par des règles précises. Il est encadré par une nécessaire tentative de mise en forme, de compréhension des phénomènes. Ça n'a donc rien à voir avec une prise de psychodysleptique dans le cadre d'une séance sauvage, on va dire. Voilà. Là, il y a un cadre, il y a donc une sorte de rituel, si on veut. Ce rituel va nous permettre d'accéder à certaines interprétations des visions. À partir de là, ces visions prennent un sens. Elles ne sont pas du tout un ramassis d'images ou de sensations, mais on peut les interpréter en fonction de la problématique de la personne. Ce qui est intéressant dans ce cas, précisément, c'est qu'on s'aperçoit que n'ayant pas la capacité, je dirais, corticale d'avoir des visions, elle va développer une accession particulière à d'autres sens. Mais bon, ce qui est très intéressant dans ce travail avec ce chaman, c'est qu'on s'aperçoit que grâce à un ensemble d'un environnement, finalement, qui est son lieu d'exercice, c'est-à-dire la forêt, eh bien, il va progressivement permettre à cette patiente, à cette personne, de s'ouvrir sur un monde où on retrouve du sens. C'est-à-dire que finalement, au travers un ensemble de contacts sonores, de contacts olfactifs, de contacts tactiles, cette personne construit un espace. Et cet espace... elle va échanger avec lui un certain nombre de sensations profondes. Elle va s'identifier à certaines choses qu'elle peut toucher, comme des fleurs. Elle va donc se construire un univers qui va redonner sens à sa vie, d'une certaine façon. On voit qu'elle renaît à elle-même, elle le dit d'ailleurs, qu'elle avait le sentiment d'avoir un couvercle sur la tête. Elle dit bien que là, tout d'un coup, il y a une ouverture. Et je pense que là, il y a quelque chose de très différent d'avec le fonctionnement de la thérapie occidentale, si on veut, c'est cette mise en cohérence avec un environnement qui fait que tout d'un coup, on retrouve la coévolution, on retrouve le fait que on ne peut pas se séparer d'une nature qui, quelque part, est immanente en nous aussi, qu'on partage cette nature. Dans la mesure où vous parlez de sensations synesthésiques, Christelle Marie, où vous avez insisté sur l'olfaction, vous avez mentionné avant une sorte d'affinement du sens tactile, est-ce que d'une certaine façon ce n'est pas aussi la remontée, je dirais, à un état de conscience plus profond, ou à un être au monde beaucoup plus profond que celui que nous connaissons, c'est-à-dire où c'est véritablement l'ensemble de notre corps qui est immergé dans le monde? Oui. En fait, je me pose la question aussi de savoir s'il faut parler d'autres mondes. Et je me dis que peut-être c'est simplement un même monde, mais que nous n'explorons pas à fond, parce que nous faisons pas forcément bon usage de tous les sens, pour commencer. Et puis peut-être... entre guillemets, d'autres sens, sans forcément parler du fameux sixième sens. Mais puisque quand on parle d'autre monde, il y a l'idée qu'il y a peut-être des limites, des barrières à traverser pour aller au-delà, alors que c'est peut-être simplement là, mais on ne se donne pas... les moyens d'y accéder. Et par rapport à ça, on parle aussi d'états de conscience, et notamment d'états de conscience modifiés, surtout quand on se réfère aux plantes psychoactives. Mais on peut se demander dans quelle mesure il y a un état de conscience normal et un état de conscience modifié. Et ce qu'on considère comme état de conscience normal, est-ce qu'il n'est pas justement modifié? Et je pense notamment, par exemple, aussi à Castaneda, donc tout son récit initiatique, etc. À un moment donné, il se réfère à la façon dont on présente le monde aux enfants et combien on construit... on procède à une sorte de resserrement de la conscience, on lui décrit le monde qu'il doit voir pour que finalement il le voit comme nous. Mais peut-être qu'à l'origine il y a quelque chose de plus vaste, mais comme c'est difficile à intégrer, c'est peut-être plus facile de procéder à ce resserrement de la conscience, je ne sais pas comment dire. Non, mais c'est justement la question que je me posais. C'est que, plutôt que de parler de conscience normale, sous-entendu la nôtre, et de conscience modifiée, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux parler de conscience primaire et de dire que dans ces expériences chamaniques, en fait, on recouvre sa conscience primaire, je veux dire. Oui, je pense que personnellement, ça me parle. Et on peut aussi s'appuyer sur les expériences de beaucoup d'autres personnes que moi, avec l'ayahuasca, où il y a un principe de régression qui est expérimenté, donc de retour en arrière, comme, je ne sais pas, certains parlent de psychanalyse accélérée, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais il y a ce retour à une conscience originaire, et... pour certaines personnes dont je fais partie, un retour, je ne sais pas si on peut encore parler de retour, en tout cas passer aussi la limite de l'origine, puisque accéder à une forme de conscience qui serait là aussi avant la naissance. en même temps sur le fond, Édouard Collot, quelle différence êtes-vous entre le travail du chaman, tel qu'il nous a apporté là, ou tel qu'on peut le connaître par ailleurs, et le travail du thérapeute, enfin j'entends du thérapeute tel que nous l'entendons, nous, en Occident, dans la mesure où le chaman est aussi un thérapeute, mais ce n'est pas exactement le même thérapeute que chez nous. La question est que le thérapeute est coupé, d'une certaine façon, de cette réalité globale qui fait sens pour moi, c'est-à-dire replacer l'individu dans son contexte du vivant, dans sa subjectivité, alors que notre société a tendance à nous couper de nos racines, en quelque sorte. Bon. Et le problème du thérapeute occidental, c'est qu'il a le sentiment que la technique est toute puissante. Il a le sentiment que... il va pouvoir s'isoler dans son lieu d'exercice et puis, grâce à une technique verbale éventuellement, il va pouvoir restituer du sens à la vie de l'autre et l'amener à soigner, à guérir ses symptômes. Alors que il n'y a pas de réelle intercession, si vous voulez, entre le monde extérieur et le patient du thérapeute, sauf qu'on essaie de resocialiser le patient, par exemple. Donc, on essaie de le replacer dans un contexte sociologique. Mais c'est très pauvre, finalement. Tandis que le chaman, lui, il est capable, en tant qu'intercesseur, je dirais, entre la nature au sens large, c'est-à-dire l'âme dont vous parliez, enfin la conscience universelle et la personne, il est capable de restituer à la personne, de réouvrir quelque chose chez elle, qui, depuis longtemps, est probablement occulté. Donc on voit bien dans cette femme qui suit ses séances d'ayahuasca, mais que c'est tout un environnement et que le chaman, lui, il a des outils que nous, on n'a plus. C'est-à-dire on ne travaille plus, on travaille coupé de l'environnement. Et ça serait beaucoup plus riche si on pouvait travailler, j'imagine, dans un environnement naturel, où il se passerait probablement beaucoup plus de choses que dans un dispensaire ou un cabinet médical. Livre. Puisque nous parlions de ces pratiques extra-occidentales, d'une certaine façon, il faudrait s'intéresser, me semble-t-il, à l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions Beauchesne de François Laplantine, Ethnopsychiatrie psychanalytique. François Laplantine, on le sait sans doute, est professeur d'anthropologie à l'Université de Lyon et il a mené tout un certain nombre d'études, d'anthropologie précisément, mais sur des rites qui sont des rites extrêmement différents de ceux que nous connaissons dans notre propre culture. Il a d'abord travaillé à Djerba, en Tunisie, sur les rites de mariage, puis au pays Baoulé, en Côte d'Ivoire, sur l'approche et le soin que l'on apporte aux troubles mentaux, et puis en Italie du Sud, où il s'est énormément intéressé au phénomène du tarantisme, c'est-à-dire la manière dont on se guérit de la morsure de la tarentule, un rite païen, si l'on peut dire, qui a survécu dans l'Europe chrétienne et qu'avait déjà étudié dans des livres magistraux quelqu'un comme Ernesto De Martino. Et puis, il s'intéresse aussi, par exemple, au pentecôtisme latino-américain, c'est-à-dire à la manière dont une branche du protestantisme, qui se présente d'abord comme une branche charismatique de sa manière, une branche où on pratique l'enthousiasme dans le sens premier du mot, être pris par les dieux, comment il essaie en même temps, précisément à travers sa formation anthropologique, mais en même temps une très forte formation psychanalytique, de créer une complémentarité des disciplines. Et on peut se demander si pour créer un espace de réflexion et d'étude qui est dans l'entre-deux, il n'adapte pas ce que l'on pourrait appeler directement et résolument une attitude transdisciplinaire. Thank you. le mode de connaissance anthropologique est résolument micrologique. Il appelle une extrême attention à ce qui se forme, se déforme, se transforme dans les moindres recoins de la sensibilité, de la croyance et de ses mises en scène. Et pour continuer dans un état d'esprit apparemment lointain et pourtant dans le fondement assez proche, je voudrais signaler l'apparition aux éditions Encre Marine d'un ensemble de poèmes sous le titre « Jeux de montagnes et d'eau ». De quoi s'agit-il ? C'est d'une collection de quatrains et de huitains chinois qui mettent en scène le voyageur, mettent en scène le pèlerin, le peintre, l'ermite ou le moine, c'est-à-dire celui qui a pris la voie, que ce soit la voie réelle, la voie concrète ou la voie spirituelle, et qui, au contact de la nature, essaie d'avoir une vision immédiate de la réalité la plus profonde de ce qui s'offre à nous, même dans l'expérience quotidienne. Et on voit très bien de ce point de vue-là, comme nous sommes assez proches de l'esprit qui est par exemple celui du taoïsme ou celui du bouddhisme Chan, c'est-à-dire de ce bouddhisme qui s'est lui-même imprégné de taoïsme. Dans la bleuté, quand le soleil se couche, qu'un chant d'oiseau trouble l'eau du torrent, le long de l'eau, le sentier vire et fuit. Jusque à quand, merveille du désert. Pour l'ouvrage suivant, j'aimerais faire allusion à un poète qui a été lui-même un poète visionnaire, d'ailleurs un des grands théoriciens de ce qu'il est convenu d'appeler l'imagination créatrice, à savoir Samuel Taylor Coleridge, dont les éditions Infrarouges publient Les Errances de Caïn, un texte qui n'était jusqu'ici pratiquement accessible qu'en anglais, ou alors il y avait de très très très très vieilles traductions. De quoi retourne-t-il, si ce n'est d'un poème inachevé, comme d'ailleurs presque toutes les œuvres de Coleridge, et où il imagine un Caïn qui est maudit chez les vivants, là c'est la leçon de la Bible, mais qui a la vision, et je dis bien la vision, d'Abel maudit chez les morts. D'une certaine façon, on peut se demander quelle est la réalité de cette vision, et Coleridge d'ailleurs, dans ce qu'il aurait dû finir, si l'on peut dire, devait s'interroger, d'après les notes que nous en avons, on devait s'interroger sur cette capacité de vision et amener par là même une réflexion sur la puissance de l'imagination. Et en même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à un certain nombre de textes de Byron, par exemple, qui s'interrogent sur Caïn, sur ses relations entre Caïn et Abel, sur lesquelles d'ailleurs l'Occident ne finit pas de réfléchir depuis des siècles aujourd'hui, dans la mesure où nous avons là à la fois un profond thème théologique et sans aucun doute un profond terme psychologique qu'a sans doute éclairé les disciplines modernes de la psychologie des profondeurs et de la psychanalyse. La forme qui présentait l'aspect d'Abel se leva et parla à l'enfant. « Je sais où sont les eaux fraîches, mais je ne puis boire. Pourquoi donc as-tu emporté mon pichet ?» Mais Caïn dit « N'as-tu point trouvé grâce aux yeux du Seigneur ton Dieu ?» La forme répondit « Le Seigneur est le Dieu des seuls vivants, les morts ont un autre Dieu. » Enfin, je voudrais terminer par l'ouvrage tout à fait stimulant de Alain Delay, « Sagesse du Bouddha, religion de Jésus » aux éditions Acarias, l'originel. Quelle est l'ambition de ce livre ? C'est d'une part de dérouler l'histoire, donc le développement de ces deux grands systèmes spirituels, philosophiques, théologiques, éventuellement religieux, tout au moins pour le christianisme, que sont précisément les héritages du Bouddha d'une part et celui de Jésus de l'autre, et montrer comment il y a eu souvent trahison des disciples, les disciples immédiats et souvent évidemment les disciples lointains, dans la mesure où on le sait, le bouddhisme existe depuis à peu près 2500 ans, le christianisme aujourd'hui depuis 2000 ans. Et en même temps, Alain Delay essaie de noter les parentés et les différences, les passerelles et les impossibilités de penser qu'il y a entre ces deux ensembles de rapports au monde, de rapports à notre destin, de rapports à l'au-delà, si tant est que l'au-delà existe, et cela à travers les plus grands penseurs, Nagarjuna, Dogen, Kalorimpoche, par exemple, d'un côté, ou bien entendu Origène, ou Grégoire de Nice, ou Maître Eckhart. Maître Eckhart que d'ailleurs il met en parallèle, il reprend là sans aucun doute les travaux de Suzuki, mais aussi avec beaucoup plus de prudence, de Maître Eckhart que l'on met en parallèle avec Dogen au Japon, ou évidemment l'ensemble du bouddhisme Madhyamaka. Et de ce point de vue-là, Alain Delay montre comme, et d'ailleurs cela se sent à travers le titre, Sagesse du Bouddha et Religion de Jésus, comme nous sommes devant deux ensembles qui peuvent communiquer à certains points de vue, mais qui en réalité et dans leur structure sont radicalement différents, puisque la position devant la vie relève de la sagesse dans le bouddhisme, alors que cela relève clairement du religieux assumé en tant que tel dans le christianisme. Le puissant proclama l'attention comme la source de l'immortalité et l'inattention comme celle de la mort. C'est pourquoi, afin d'accroître les facteurs positifs, cultive sans relâche l'attention avec respect. Nagarjuna. Les livres aujourd'hui. Ethnopsychiatrie psychanalytique de François Laplantine aux éditions Beauchesne. Jeu de montagne et d'eau aux éditions Encre Marine. Les errances de Caïn de Samuel Taylor Coleridge aux éditions Infrarouge. Et Sagesse du Bouddha, religion de Jésus de Alain Delay aux éditions Acarias l'originel. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Christelle Marie et de Édouard Collot. Mixage Michel Mestre, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.